lire entre les lignes. La lourdeur se la joue finement, calée entre vice et délire. On vit dans une triste époque de commerce, là où la perversité est à commerce. Je commence à craquer, croqué par les terriens, c'est terrible. Sous terre on finit tous en terrine. Comprends que j'ai pas le temps, le passé me rattrape. Mon instinct de pyromane me force à brûler les étapes. Je navigue entre les chiens et les opportunistes. Laisse tomber, ils sont cramés comme un port à Tunis. La liberté est bien tassée dans une OCB slim. Pendant que le rap joue une partie de poker face. Le monde a gros bordel, obèse obsédé. Schizo déchaîné, peuple oppressé. Les juges mal baisés te mettent des peines de fou. Dis pas trop de vérité, ils t'accuseront de trouble à l'ordre public. Donc j'enlève le filtre et j'enchaîne aux yeux du système. J'suis cancérigène, le cancer est vénère. Ressort des ténèbres, regarde le pourcentage des lecteurs. Tu verras qu'on est bête. Merde, nos ancêtres se retournent dans leur tombe. On n'a plus de nom, on n'est que des numéros de compte. Le tonnerre gronde en permanence dans notre boîte crânienne. On craint l'avenir comme un sans-paperasse devant Le Pen. Les dirigeants sont en pleine névrose obsessionnelle. On cherche à passer le temps en faisant des choses sensationnelles. La chance au placard comme certains poteaux. Roue arrière en moto en rêvant du salaire à Zlatan. On s'attend au pire, constamment paranoïaque. Le temps nous fait payer toutes ces erreurs qu'on a mises sur l'ardoise. J'ai des frères sournois, loin d'être soumis dans la souffrance et ne pense qu'à s'empiffrer de shit. 2015, y'a plus de respect dans ce monde de malade. Même quand tu te balades, tu peux te faire balafre. Les arnaques, les indiques, tous multiplient. J'arrêterai de rimer une fois que je n'aurai plus envie. J'ai soif de réussite, de bonheur et d'oseille. Mais pour l'instant je t'écris avec mon whisky bien dosé. La plume morose comme l'ambiance est si bas. Si je suis si pâle mon pote, ce n'est pas à cause du froid. Constamment choqué, les attitudes sont dopées. Les nerfs en pelote quand la police vient te ploter. Toute ta vie est pilotée par la télévision. Apprends bien tes leçons petit. L'histoire est foirée, c'est traumatisant. Génération j'ai trop teasé, attiré par le diable. On se jette dans la toile qui la tissait. Scolarité méprisée, la rancœur me fait la bise. J'te tiens au jus en mettant tes doigts dans la prise. J'vise la paix, cette vie, une lourde peine. Emprisonné ici, on purge des années fermes. Les vrais malheurs au second plan, quelle tristesse. J'reste sans mes positions, poteau. C'est toujours pas la fête, pas la fête, pas la fête, pas la fête, pas la fête, pas la fête.